السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous poursuivons la lecture et l'étude du grand livre de ce grand imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab al-Mufrad. Et nous sommes arrêtés sur la bienfaisance envers la mère. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne un hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أي راوي الحديث عطاء ابن يسار. Voici un autre texte que nous mentionne l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى dans son noble livre. Une personne est venue voir Ibn Abbas et lui a dit: j'ai demandé une femme en mariage, mais elle a refusé de se marier avec moi. Une autre personne est venue, l'a demandé en mariage et elle a accepté. La jalousie m'a emporté au point que je l'ai assassinée. Puis-je me repentir? Et Abdullah ibn Abbas lui a dit: ta mère est-elle vivante? Il répondit: non. Alors il a dit: repens-toi à Allah et rapproche-toi de lui autant que possible. Le rapporteur du hadith, Ata, a questionné Abdullah ibn Abbas plus tard en lui disant: pourquoi lui as-tu demandé si sa mère était en vie? Il répondit: je ne connais pas une œuvre rapprochant le plus d'Allah si ce n'est la bienfaisance envers la mère. Ce hadith, à nouveau, nous montre la place de la mère en islam et la place qu'elle doit avoir auprès de chacun d'entre nous. C'est que c'est une cause d'expiation de fautes et d'effacement de péchés. Ce athar a été mentionné par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sous ce chapitre, la bonté envers la mère. Car la bienfaisance envers la mère est une action immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses effets sont ô combien bénéfiques. C'est une cause pour expier les péchés et pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire de ce hadith la dangerosité de la jalousie si elle n'est pas encadrée par les règles religieuses et légiférées et ce qui nous est mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'une personne touchée par la jalousie transgresse les limites. Tantôt, elle est touchée par le doute et la suspicion de son épouse. Tantôt, il perd la raison et commet des actes et profère des paroles qui lui sont étrangères à la base. Et tantôt, comme on le voit dans le hadith, la jalousie peut l'emporter au point de commettre un crime ou un crime passionnel. Cette jalousie peut détruire les foyers. Cette jalousie peut amener à la destruction des foyers et à la division des membres de la famille. Iyadan billah. On voit cet homme qui dit à Abdullah ibn Abbas, « Hal ya min tawba ?» Puis-je me repentir ? Et de là, on tire une grande leçon. C'est que quelle que soit la faute commise, quels que soient les péchés, le serviteur d'Allah ne doit jamais désespérer, ne doit jamais tomber dans le désespoir. Au contraire, il doit toujours se remettre en question, demander pardon pour ses fautes et chercher à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le pardonneur. Une deuxième leçon, la bénédiction de revenir aux gens de science, non aux ignorants. Et cela nous rappelle le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, puis il a cherché à se repentir. On l'a donc orienté vers un dévot, vers une personne, s'adonnant à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il le questionna, il lui dit, « J'ai tué 99 personnes, puis-je me repentir ?» Il lui a dit, « 99 personnes, tu ne peux te repentir. » Il l'a donc assassiné et a complété le nombre de crimes à 100. Puis il a demandé, « Puis-je me repentir ?» Et là, on l'a orienté vers un savant. Le savant lui a dit, « Wa ma yahoulu baynaka wa bayna tawba ?» Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir, entre toi et le retour vers Allah, entre toi et le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Avec cette parole, il développe l'espoir. Avec cette parole, il le pousse à l'arrêt du péché et à converger vers le repentir, la réforme et la félicité. Donc, quel que soit le péché, il ne faut jamais, jamais désespérer. Et il faut chercher la réponse à nos questions auprès des gens de science, non pas auprès des ignorants. Abdullah ibn Abbas l'a interrogé, « Est-ce que ta mère est vivante ?» Et à la fin, il nous donne le secret de cette question, qui est, « Je ne connais pas d'œuvre rapprochant plus d'Allah que la bienfaisance envers la mère. » Naam. Et remarquez qu'il n'a pas dit « Il n'y a pas de meilleures œuvres. » Mais la précision et le sens du détail. Il a dit « La a'lam. » À ma connaissance, à mon niveau, selon mes connaissances, je ne connais pas de meilleures œuvres qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala que la bienfaisance envers la mère. Et on voit ici la modestie des gens de science et des pieux prédécesseurs. Contrairement à ceux qui répondent à tort et à travers, ceci est haram, ceci est halal, sans prendre de recul. Et on voit le comportement de Ata ibn Yasar. C'est qu'il n'a pas coupé Abdullah ibn Abbas, il ne l'a pas interrompu, il n'a pas pris la parole sans sa permission. Alors que le sujet est intrigant. Abdullah ibn Abbas, on lui pose une question sur un meurtre, un repentir, il répond par une question, est-ce que ta mère est en vie? Et ça c'est la sagesse des savants, et aussi la sagesse des étudiants en sciences. Il a attendu le moment opportun, il s'est montré patient et endurant, et il lui a dit, pourquoi l'as-tu interrogé sur la vie de sa mère? Ça, c'est le comportement qu'il convient d'adopter lorsqu'on veut apprendre. Il faut être humble et lorsqu'on ne comprend pas, il faut accuser sa propre intelligence. Non pas la pédagogie, non pas l'intelligence de l'enseignant. Abdullah ibn Abbas lui dit, « Toub ila Allah, repens-toi à Allah. » La première chose à faire lors de la faute, c'est d'arrêter le péché, de le regretter, de retourner vers Allah. Le savant, lorsqu'il oriente, il pousse à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Quel que soit le péché, il ne faut jamais désespérer. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafurur rahim. » dit « Ô vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le grand pardonneur, le très miséricordieux. » Et dans le hadith, un homme a fait un péché. Et il a dit « Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. » Allah a dit « Mon serviteur a commis une faute. » Et il a su qu'il avait un Seigneur qui saisissait pour les fautes et qui pardonnait les fautes. Je lui ai pardonné. Puis le serviteur a fait encore un péché. Et il a dit la même chose. Allah a dit la même chose. Et ça s'est répété plusieurs fois dans le hadith. À la fin, on lui dit qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que tant qu'il regrette et s'efforce de se repentir, de revenir vers Allah, de se corriger, Allah lui pardonnera. Et si ça n'est pas un appel au péché, mais un appel au retour vers Allah et à ne jamais désespérer de sa miséricorde. Enfin, remarquez comme on a uni entre le repentir qui consiste à délaisser le mal et les bonnes œuvres qui consistent à accomplir le bien. Car Allah dit dans le Coran « Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at » Certes, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc lorsqu'on commet un péché, il est bon de se repentir, certes. Mais en plus de cela, il faut ajouter des bonnes œuvres. En plus de cela, il faut ajouter des bonnes œuvres. Donc on tire dans ce hadith de nombreuses leçons, comme le comportement de celui qui recherche la science, comme le sens du détail et la précision des termes utilisés par le savant. On voit la motivation dans la recherche de la science. On voit la modestie des gens de science et la grande valeur de la bienfaisance envers la mère. Un autre texte qu'on peut mentionner en rapport avec celui-ci, c'est dans le tafsir de Sourate Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, mentionne dans ce passage-là qu'une femme est venue voir Aïcha, radiallahu anha, elle venait de Domatul Jandal, elle est arrivée préoccupée, assommée par son souci, elle est venue trouver le prophète alayhi salat wa salam al Medina pour le questionner sur son problème. Mais elle a trouvé qu'il était mort il y a peu. Alors elle a fondu en larmes. Puis elle a mentionné son histoire à Aïcha radiallahu anha. Elle a dit « J'avais mon époux que j'aimais d'un amour très profond. » Est très fort. Mais un jour, il est sorti et n'est jamais revenu. Je ne savais pas où il était. Mon cœur était fortement attaché à lui. Je suis donc sorti et j'ai questionné à son sujet. J'ai arboré les routes et demandé si on l'avait vu ou retrouvé. Et un jour, j'ai trouvé une femme âgée. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a dit « Rendez-vous demain si tu veux le retrouver. » Je suis venu. Elle m'a dit « Tu veux trouver ton époux ?» Alors fais ce que je vais te dire. En venant, il y a eu deux bêtes qui étaient des djinns qui les ont emmenés dans un endroit lointain. Alors elle s'est retrouvée face à deux choses ou deux personnes. Et la dame lui a dit, dis-leur que tu souhaites apprendre la sorcellerie. Et on lui a répondu, « Innama nahnu fitnatun fala takfur. » Nous ne sommes qu'une tentation, ne m'écrois pas. Mais la dame a insisté. Alors ils lui ont dit, « Dirige-toi vers ce grand récipient et va uriner dedans. » Elle est partie. Arrivée devant, elle a été prise de peur, de panique. Elle est revenue sans rien faire. Ils lui ont dit, « Qu'as-tu donc fait ?» Elle a répondu, « J'ai fait ce que vous m'avez demandé. » Ils lui ont dit, « Qu'as-tu vu ?» Elle a dit, « Rien. » Ils lui ont dit, « Tu mens. Retourne d'où tu viens. » Elle a dit, « Non, je souhaite apprendre la sorcellerie. Enseignez-moi. » Ils lui ont dit, « Retourne alors. Dirige-toi vers le récipient. Urine dedans et reviens. » À nouveau, elle a été prise de peur et de panique. Elle est revenue. « Qu'as-tu donc fait ?» J'ai uriné dedans. « Qu'as-tu vu ?» Je n'ai rien vu. « Tu mens. Retourne d'où tu viens. » Et à la troisième fois, elle s'est exécutée. Elle a vu comme un cavalier sortir d'elle et s'éloigner. Elle est revenue, lui ont dit, qu'as-tu fait ? Elle a dit, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Qu'as-tu vu ? Elle a décrit ce qu'elle a vu. Ils lui ont dit, tu dis vrai. Et ce que tu as vu là, c'est ta foi qui est sortie. C'est l'iman. Parce que celui qui apprend la sorcellerie, celui qui fait la sorcellerie, il vend sa foi, son islam, son tawhid contre les services du shayatin et la sorcellerie. Puis elle a avancé avec la dame. Elle a dit, mais depuis cela, je n'ai rien vu de spécial. Elle lui a dit, prends une graine, jette-la. Et ordonne à ce que ça pousse et tu verras. Et en effet, tout ce qu'elle demandait se réalisait. Elle jetait une graine et ça poussait immédiatement. Tout ce qu'elle demandait se réalisait. Et là, elle a été prise de remords, de regrets. Elle a recherché sa foi. Et voici son histoire qui l'a conduite à Médine, rechercher le prophète alayhi salatu wassalam pour l'interroger. Elle ne l'a pas trouvé et donc partie voir Aïcha radiallahu anha. Et elle questionnait les compagnons et chacun l'envoyait à un autre compagnon. Le rapporteur, Hicham ibn Urwa, dit, si elle était venue à notre époque, elle aurait trouvé tout le monde pour lui répondre. Mais à l'époque des compagnons, ils avaient cette piété. Va voir plutôt un tel, il est plus savant que moi. Va voir plutôt un tel, il est plus savant que moi. Que devons-nous dire, nous, à notre époque ? Wala hawla wala quwwata illa billah. L'ignorant répond à toutes les questions. Jusqu'à ce qu'on l'envoie à Abdallah ibn Abbas, qui lui a dit, écoutez bien, est-ce que ta mère est vivante ? Allahu Akbar. Il lui a dit la même chose. Est-ce que ta mère est vivante ? Naam, jusqu'à la fin de ce athar. Revenez à Tafsir ibn Kathir ou Ibn Jarir et lisez la version originale. Voici pour ce chapitre. Le chapitre suivant, Barakallahu fikum, Babu birril ab. Le chapitre de la bonté envers le Père. Nul doute que la place du Père est grandiose, incommensurable et inestimable. Mais malgré ça, elle vient après la place de la mère comme nous l'avons vu. D'où l'ordre dans ces chapitres. La bienfaisance que le Père a donnée à l'enfant, il ne pourra jamais la lui rendre. Ce Père t'a choisi une mère, une école, un berceau, un saint. Et lorsque Saïd ibn Musayyib a dit à ses enfants, je vous ai fait du bien de votre vivant, je vous ai fait du bien enfant, et quand vous avez grandi, et même avant votre naissance, ils lui ont dit, oh cher père, on reconnaît tout cela, mais comment nous as-tu fait du bien avant même notre venue au monde ? Il leur a dit, je vous ai choisi une mère. Jamais par elle, une personne pourra vous insulter ni vous dénigrer. Allahu Akbar. Le choix de l'épouse, c'est le choix de l'école. C'est le choix du chemin que tu souhaites pour toi et pour tes enfants. Ce choix doit outrepasser le physique, qui a son importance, sans aucun doute. Mais il doit outrepasser cela. Ce père est celui qui a le plus grand droit sur toi après la mère. Après la mère. C'est celui qui travaille, qui se lève, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. C'est celui qui sort pour travailler. Et c'est celui qui supporte les nuisances de ses collègues et les transgressions de son patron, car il se souvient qu'il doit dépenser pour toi, qu'il doit te faire grandir, qu'il doit payer tes études, qu'il doit et qu'il doit. Et n'eût été cela, peut-être qu'il aurait démissionné et qu'il aurait affirmé de sa fierté. Mais pour toi, il supporte. Lorsqu'il voit une chose qu'il aime, il la met de côté et il te préfère à lui-même. Lorsqu'il est malade, il va quand même travailler parce qu'il se rappelle qu'en t'achetant telle et telle chose, il te réjouira. C'est celui qui, lorsqu'il est en voyage, tu ne quittes pas sa pensée. C'est celui qui, lorsque toi tu voyages et qu'il se retrouve seul parce que ton grand-père a amené ta mère ici ou là où elle est partie visiter ses proches et a pris ses enfants avec elle, naam, c'est ce père-là qui, dans ton foyer, en ton absence, fait le tour de la maison et pense à toi, et se rappelle des moments avec toi. Et peut-être même il voit un de tes vêtements, il le prend et il le sent. Subhanallah. Ce père-là, c'est le seul homme au monde qui espère que tu deviennes meilleur que lui, que tu vives plus longtemps que lui, que tu obtiennes tout ce qu'il n'a pas obtenu. Et c'est le seul qui peut dépenser sans jamais vanter son mérite sur toi. Voici le père. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, nous mentionne sous ce chapitre un hadith. Le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, qala qila ya Rasulallah, men abar, qala ummak. قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك. Dans le hadith, Abu Huraira رضي الله عنه nous dit, il fut dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, au messager d'Allah envers qui doit être ou doit-on être le plus bon? Il répondit صلى الله عليه وسلم, ta mère. Il continua, qui ensuite? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Il continua en disant, et ensuite, qui? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Il continua encore, et qui ensuite? Il répondit alors, sallallahu alayhi wa sallam, ton père. On voit ici la grande place du père, et que sa place vient tout de suite après celle de la mère. Il nous faut donc considérer ces textes et agir en conséquence. Le chapitre suivant, Babu birri walidei wa in zalama. Avant ça, un second texte de Abu Huraira radiyallahu anhu. Ata rajulun Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ma ta'muruni? قال بر أمك بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Le hadith suivant, toujours sur Abu Huraira رضي الله عنه, un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et demanda, que m'ordonnes-tu? Il répondit, صلى الله عليه وسلم, la bonté envers ta mère. Puis il revint et répéta sa question. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la bonté envers ta mère. Il revint encore et répéta sa question. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la bonté envers ta mère. Il revint la quatrième fois. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, la bonté envers ta mère. Et la cinquième fois, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, la bonté envers ton père. La quatrième fois plus tôt, il répondit, la bonté envers ton père. Le chapitre suivant, la bonté envers les parents, même s'ils sont injustes. Certaines personnes prétextent pour se permettre la transgression, pour se permettre la désobéissance. Ils se permettent de se trouver des fausses excuses en disant « Oui, mais mon père fait ceci, oui, mais ma mère fait cela, oui, mais… » Et ils mentionnent de leurs péchés, de leurs fautes, de leurs défauts. Et l'islam t'ordonne l'endurance face à leurs nuisances et t'ordonne également la bienfaisance envers eux, même s'ils sont injustes. Tu ne dois pas les mettre en colère. Tu ne dois pas élever ta voix sur eux. Tu ne dois pas répondre avec l'injustice à ton tour. Mais tu dois te garder d'être mauvais et tu dois déposer auprès d'eux tout le bien que tu as. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit « Ma min muslimin lahu walidan, musliman, يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرض الله عنه أو لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلمه قال وإن ظلمه. Le quatrième chapitre, donc la bonté envers les parents, même s'ils sont injustes. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce texte, ce athar d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui nous dit il n'y a pas un musulman ou bien pas un musulman se lève au matin en ayant auprès de lui ses deux parents musulmans pour lesquels il espère être récompensé sans qu'Allah ne lui ouvre deux portes, c'est-à-dire du paradis. Et s'il n'a qu'un seul parent, alors il lui ouvre une seule porte. S'il met en colère l'un des deux, alors Allah ne sera pas satisfait de lui tant que celui-ci ne sera pas satisfait de lui. C'est-à-dire tant qu'il n'aura pas eu l'agrément de ses parents, Allah ne sera pas satisfait de lui. Ici, on nous dit que chaque matin, il convient à l'enfant de se réveiller avec cette bonne intention. Allahu Akbar. On attire notre attention sur l'intention, sur la détermination. C'est-à-dire qu'au matin, occupe tes pensées, comment vais-je satisfaire mes parents? Comment vais-je faire le bien à mes parents? Comment vais-je lier les liens de parenté? Et ça montre le fort désir qu'il y a au sein de cette personne pieuse, de cet enfant éduqué et béni. Et dans une version ailleurs, يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْسِنًا. Il se réveille auprès d'eux, non pas en espérant la récompense, mais en étant bienfaisant. En étant bienfaisant. Donc, on tire une grande leçon de ce texte. C'est que chaque matin, on doit se réveiller avec une grande intention, avec une haute détermination de commencer ce jour avec des bonnes œuvres. Et parmi les meilleures œuvres, la bienfaisance envers les parents. Tout de suite après la prière du Fajr, ton souci, la prière du Fajr, les adhkar, était puis tes parents. Puis tes parents. Tu dois t'enquérir de tes parents, savoir s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Et parmi la grande assistance qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur dès son plus jeune âge, c'est que chaque matin, il lui permet de réfléchir de la sorte. Il se réveille, il fait ses invocations, il fait sa purification, il fait sa prière, puis il pense à ses parents, il fait ses invocations. Qui arrivait au matin à cette pensée? Qui parmi nous réfléchit de la sorte? Et malheureusement, certains enfants, particulièrement lorsque le réveil est difficile et qu'ils sont fatigués, lorsque les parents les réveillent pour aller à l'école, ils leur font entendre de mauvaises paroles. Ils leur font entendre de mauvaises paroles. « Mais laisse-moi, mais je suis fatigué, mais ceci, mais cela. Quoi encore? Toujours toi? Tu me fatigues ?» Ou « A'ouzou billah. A'ouzou billah. » On doit se repentir de ces mots-là, on doit s'éduquer sur le contraire. Tu ne dois jamais faire entendre à tes parents une parole qui va leur déplaire. Et celui qui fait ça peut espérer qu'Allah lui accorde des enfants qui feront pareillement ou mieux encore. Et pour atteindre ces niveaux, il faut faire des efforts et il faut s'entraîner. Et il faut supporter. Quelle est la récompense? On lui ouvre deux portes du paradis chaque matin lorsqu'il se réveille avec cette intention. Et s'il n'a qu'un seul de ses parents en vie, alors deux portes. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs, au décès de l'un de leurs deux parents, ils ont fondu en larmes. On leur a dit, espère la récompense, Inch'Allah, Inch'Allah, ils sont au paradis. Il a dit, ça n'est pas pour cela que je pleure, mais je pleure car j'avais deux portes grandes ouvertes vers le paradis et une vient de m'être fermée. On voit le grand bienfait d'avoir ses parents en vie, ou même un seul de ses parents en vie. C'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur. Et on voit l'avertissement contre le fait de mettre en colère ses parents. Même s'ils sont injustes, tu ne dois pas mal te comporter envers eux. Et certaines personnes disent, oui, mais moi, ils ne m'ont pas bien éduqué, oui, mais moi, ils ont fait et ceci. Non, oublie tout le mal qui a été fait et retiens tout le bien qui t'a été fait. Et ne fais pas les comptes avec tes parents. Ne fais pas les comptes avec tes parents. Que de jours ils ont veillé pour toi, que de jours ils t'ont fait du bien, que de jours ils ont dépensé, que de jours ils t'ont élevé, ils se sont fatigués, ils t'ont répété, ils n'ont pas senti sur des fautes. Le temps est venu que toi, tu patientes. Ce texte comporte une faiblesse, car il y a une personne de la chaîne de transmission qui n'est pas connue. Le chapitre suivant, Babu linul kalam li walidayhi. Le chapitre suivant, dire des paroles douces à ses parents. Avoir de la douceur avec ses parents dans le verbe. L'enfant doit constamment s'efforcer de parler à ses parents avec douceur. L'enfant doit s'efforcer au quotidien de choisir les meilleurs de ses paroles. Il doit choisir les meilleurs fruits, comme lorsqu'il va à la cueillette. Les paroles les plus douces, les phrases les plus belles, les plus réjouissantes, celles qui réjouissent ses parents. Il doit choisir des termes qui montrent la reconnaissance, la douceur, la piété, mais également le respect et la grande considération. Il doit placer des invocations lorsqu'il s'adresse à ses parents. Il doit baisser le ton, baisser la voix, adoucir son regard et ne pas froncer les sourcils. Il ne doit même pas les regarder pleinement dans les yeux, longuement. Mais tantôt il doit baisser le regard, puis le remonter lorsqu'il s'agit d'une discussion qui peut être longue. Le tout pour montrer qu'il est sous ses parents, qu'il est obéissant vers ses parents. Que s'il lui donne un ordre, il l'applique et le met en pratique hier avant aujourd'hui. Lorsqu'il s'adresse à eux, il ne bouge pas grandement les mains. Il ne fait pas des gestes brusques, mais il parle avec humilité. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit que Taïsala ibn Mayyas, et c'est un surnom Taïsala, sinon il s'appelle Ali, rahimahullah ta'ala. Il dit « Kuntu ma al-Najdat » ou « Najadat » C'est une secte parmi les Khawarij. C'est une secte parmi les Khawarij. Ils disent « Fa asbahtu » ou plutôt « Fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kabair » J'étais avec cette secte et j'ai commis des péchés que je considérais comme des grands péchés. Comme des grands péchés. Car vous devez savoir que la secte des Khawarij considère, parmi eux, certains considèrent, que celui qui reste constamment dans les petits péchés sort de l'islam. Et celui qui commet un grand péché sort de l'islam. Et dans l'au-delà, s'il meurt dans cet état, il s'éternisera en enfer. Donc, de par cette mauvaise fréquentation, il s'est mis à voir des ambiguïtés dans la croyance. Et certains de ces péchés, il les voyait comme des péchés qui anéantissent, des péchés qui sont gravissimes. Et on voit ici la dangerosité de fréquenter les gens de l'innovation et d'avoir de mauvaises fréquentations. Ça a un effet indéniable qui est gravissime et qui peut causer la perte du serviteur. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبْنِ عُمَرْ J'ai mentionné cela à Abdullah ibn Omar. قَالَ مَاهِ Il m'a demandé quels sont ses péchés. قُلْتُ كَذَا وَكَذَا Je lui ai dit ceci et cela. قَالَ قال ليست هذه من الكبائر il m'a répondu cela ne font pas partie des grands péchés hunna tis mais les grands péchés sont au nombre de 9 ça n'est pas une liste exhaustive mais certains al ishrak billah wa qatl an nasama wal firar min az-zahf wa qadhf al muhsana wa akl al riba wa akl mal al yatim wa ilhad fi al masjid wal ladhi yastaskhir wa buka al walidain min al uquq وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ قَالَ لِبْنُ عُمَرْ أَتَفْرَقُ مِنَ النَّارِ أَيْتَخَافْ وتحب أن تدخل الجنة قلت إي أي نعم قلت إي والله قال حي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Pour finir, Faisala a dit, j'étais avec An-Najadat et j'ai commis un péché que je considérais parmi les grands péchés. J'en parlais avec Ibn Omar qui me demanda, lesquels est-ce ? Je lui répondis, ceci et cela. Il m'a dit, ce péché ne fait pas partie des grands péchés. Ils sont 9. Il y en a 9. Donner un associé à Allah. Tuer un être humain. Fuir lors de la rencontre avec l'armée ennemie. Diffamer les croyantes pieuses et chastes. Consommer l'usure. Spolier le bien de l'orphelin. Commettre des sacrilèges dans la mosquée. Se moquer des gens. Et faire pleurer ses parents en ne leur obéissant pas. Ibn Omar m'a dit, crains-tu l'enfer et désires-tu entrer au paradis ? J'ai dit, évidemment, par Allah. Oui, par Allah. Il me demanda, tes parents sont-ils vivants ? J'ai répondu, ma mère est encore en vie. Il a dit, par Allah, si tu lui parles gentiment avec douceur et que tu la nourris, tu entreras au paradis aussi longtemps que tu éviteras les grands péchés. Tu entreras au paradis aussi longtemps que tu éviteras les grands péchés. Voici un athar grandiose mentionné ici par Abdullah ibn Umara radiallahu anhuma. Ici, le serviteur est tombé dans des petits péchés, mais ses mauvaises fréquentations l'ont poussé à croire qu'il s'agissait de grands péchés. Et on voit ici la baraka du retour vers les savants. Le savant l'a orienté et il a pu s'éloigner de cette mauvaise croyance, de ces mauvaises fréquentations. On voit ici donc la dangerosité des mauvaises fréquentations. Il n'a pas mentionné dans ce hadith les péchés, donc il ne convient pas de mentionner ces péchés. Il faut couvrir les péchés, que ce soit les nôtres ou ceux d'autrui, si ce n'est en cas de force majeure, comme la question des gens de science ou autres. Donc parmi les grandes portes de réussite, Maz a questionné les gens de science sur nos problèmes. Et les gens d'innovation s'efforcent ardemment de mettre un rempart, une barrière entre nous et les savants pour nous avoir dans leur filet et nous égarer alors. On voit dans ce hadith, et c'est ce pourquoi l'imam Bukhari l'a mentionné, que parmi les pires péchés, le fait de faire pleurer ses parents suite à des mauvais comportements. Et Abdullah ibn Omar a fini cela en disant, crains-tu l'enfer, souhaites-tu le paradis? Ici, il développe sa détermination, il développe son espoir et sa crainte. Puis il l'oriente vers la bienfaisance envers les parents. Il lui demande, est-ce que tes parents sont vivants? Allahu Akbar, ça c'est une éducation qu'ils ont reçue du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le prêcheur doit aller prendre chez les savants pour être touché par leur prêche et pour faire découler cela sur les gens de la masse. Et là, il lui a dit, j'ai ma mère. Et on voit le bienfait d'avoir ne serait-ce qu'un de ses deux parents en vie. Et il a juré par Allah pour appuyer cette information. Il a juré par Allah. On voit ici la permission de jurer par Allah lorsque c'est sage. Il lui a dit, si tu es doux lorsque tu t'adresses à elle et que tu la nourris, tu entreras assurément au paradis tant que tu t'éloignes des grands péchés. On voit le grand bienfait de la bienfaisance envers la mère, de la douceur à son égard, de dépenser pour elle, na'am, et l'importance de s'éloigner des grands péchés pour obtenir ses grandes récompenses. Et ici, il y a une grande leçon. C'est d'unir entre la crainte et l'espoir. Unir entre la crainte et l'espoir dans le prêche. Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhab al-alim. On a parlé de l'enfer et on a parlé du paradis. Comme Allah dans le Coran nous parle de son pardon, de sa miséricorde, mais également de son châtiment douloureux. La mère Parfois elle a de l'argent, parfois elle a un toit, elle a sa nourriture. Mais ce dont elle a besoin de son enfant, c'est la douceur, la présence, la miséricorde, de ressentir le retour, de ressentir la reconnaissance. Donc, qu'on ne soit pas avare en douceur envers nos mères et pères. Rahmatullahi alayhim wa ghafarallahu lahum wa hafidhahum. On s'arrête sur cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre temps et de nous permettre de jeûner comme il agréera de nous et de nous permettre de prier comme il agréera de nous. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته